chatchoum kriye, telman msonje ou msonje ou. Pa gen kouraj pou msupote tande. Ki sa mwen fè ou pou mèprize m kon sa? Se kouye fwa msoufri kon sa ou. Soleil leve chak jou, se pa pou mwen. Se toile brille chak nui, se pa pou mwen. Chaque jour m'a demandé qu'il est où retourner, doudou. Passe à manger, passe à dormir. Ou plan panse mwen. Ki sa mwen fè ou pou mèprize m kon sa? Mè chak jou m'ap mande, mè pou ki sa fè m sa kon sa? Méprisez ma compte pour qui ça? Allons douleur qui fait moins mal. Vision seulement moins fait. C'est tout l'eau coulé dans les yeux. Où j'en connais moi-même. Avec pitié à retourner. Espoir à j'en perdu. Oh, je joue la rencontre. Si on joue chéri ou t'as tourné, à la fête, nous t'avons fêté. Bon Dieu que seulement connaît. Ça me vient dans le cambou, oh lolo. J'en connais moi-même, avec pitié à retourner. Espoir à j'en perdu, oh, je joue la rencontre. Chéri ou t'as tourné, à la fête, n'a pas fêté. Bon Dieu que seulement connaît, ça me vient en cambou, oh lolo. J'en connais vraiment, avec pitié à retourner. Espoir à j'en perdu, oh, le jour la rencontre. Thank you. j'en pensais tout. Quand t'as quitté un jour, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Je dis à ma chante pour.